24-26 affirmation. Qui? Pronom relatif. Monsieur Taylor, qui nous arrive des États-Unis. Un petit boucher qui me sert très bien. Une bonne qui est une excellente cuisinière. Un repas qui se termine par une crème renversée. Des choses qui n'existent pas. Qui est un pronom relatif. Il remplace les noms, Monsieur Taylor, boucher, bonne, repas et chose. Ces noms sont les antécédents du pronom qui. Qui peut remplacer des personnes, Monsieur Taylor, un boucher, une bonne, ou des choses, un repas, des choses. Qui est invariable? Il peut représenter un masculin, un boucher par exemple, ou un féminin, une bonne, un singulier, un repas, ou un pluriel, des choses. Il n'y a pas d'élision avec qui. Qui est le sujet du verbe qui suit? Arrive, sert et